Intouchable, clic, chap, clic. Toujours en place, en place. Toujours en place, en place. On est toujours en place, en place. Ouais gros, 9-4. 1, je viens pas pour viser les gens. J'ai peut-être dérangé des gens. T'inquiète, je suis rien de méchant, moi je veux juste devenir une légende. Watibé, c'était ma destinée. Alors t'inquiète pas pour mon avenir, tout est dessiné. Non, je vais pas me clasher, et je vais pas non plus clasher. Donne-moi seulement mon cash flow et du bon shit dans un sachet. Moi je représente ma station, pour tous mes sons sans faction. Je veux entendre DRY dans toutes les conversations. DRY, trop stylé. Arrête de me questionner, genre tu utilises quel stylo. Rendez-vous au prochain concert. Travail de boucher, toucher, tout cher. Connerie, les rappeurs ont tendance à croire que c'est la colonie. Verre de bizarre, petite sape, Watibé. Grande salle, petite salle, ça vous plaît. On se capte après l'apéro. Ils vont peut-être arrêter de voir que je suis qu'un négro. Il va peut-être falloir que je me mette à dire t'es qui héros. Est-ce que j'en suis vraiment capable, je suis trop déter. La vie m'a pas fait de cadeau, mais je suis toujours en place. À ce que je sache, DR a toujours la grande classe. J'ai vu plein de gens qui ont péri. J'en ai même pris des rides. Toujours aussi déterminé malgré les intempéries. La vie m'a pas fait de cadeau, mais je suis toujours en place. À ce que je sache, DR a toujours la grande classe. Cause toujours le même argot. On veut le défalago. Direction Monaco, Watibé, pas sur le paquebot. Appelle-moi l'intransférable, plutôt DR la terreur. J'arrive sur le beat en deux roues, t'entends pas mes pneus qui dérapent. On se passera des commentaires, on sait comment faire. Les petits jeunes me veulent comme mentor, avant qu'on m'enterre. J'ai traversé des époques, et j'ai toujours la tête sur les épaules, man. Puis j'ai perdu des potes, mais j'ai pas besoin qu'ils viennent passer de la peau, man. Pas peur de risquer gros, pas peur de viser drôle. Tu négliges le Watibé, la vie c'est drôle. Yeah, appelle-moi DRY. Tous ceux qui jouent avec mes nerfs, ils regrettent. J'ai bouffé moi de la place, dans le rap tu le vois ou de la classe. Toujours au fond de la salle, mais t'inquiète, fais le tour de la classe. C'est toujours le même type que je vois quand je me regarde dans la glace. Malgré les cicatrices de la vie, j'ai toujours la classe. Moi j'ai toujours en place, là, j'ai toujours la classe. Toujours la classe. J'suis toujours en place. Moi j'suis toujours en place. Appelle-moi DRY. Appelle-moi DRY. La vie m'a pas fait de cadeau, mais j'suis toujours en place. À ce que je sache, DR a toujours la grande classe. J'ai vu plein de gens qu'on périt. J'en ai même pris des rides. Toujours aussi déterminé malgré les intempéries. La vie m'a pas fait de cadeau, mais j'suis toujours en place. À ce que je sache, DR a toujours la grande classe. Cause toujours le même argot.